Poison identitaire. Alors, je pense qu'il y a pas mal d'actualités qui peuvent faire écho à ce thème-là. Donc, il s'installe parce qu'il veut vous faire une petite présentation. Et puis après, du coup, bah, ce sera l'occasion pour tout le monde de partager voilà, son point de vue sur ce thème-là, le poison identitaire. Alors, vous pouvez commencer à réfléchir pendant qu'il s'installe. Voilà, donc Yves a été professeur de philosophie pendant 40 ans. Voilà, à La Canale, pour ceux qui connaissent à Sceaux, dans 92. Il y a des gens de La Canale qui s'en souviennent apparemment, voilà. Donc il a animé pas mal de cafés philo dans notre ville, dans l'Essonne. Et ça lui fait très plaisir justement de reprendre cette activité de café philo, parce que ça lui manquait pour des problèmes de santé, il avait un petit peu arrêté. Et là, il est très content de reprendre avec vous cette activité. Voilà, la philosophie, ça fait toujours du bien. Ça permet de, voilà, de réfléchir et tous ensemble. Alors, il a lu des poèmes déjà la semaine dernière. Après, il faut lui demander parce qu'il en a pas mal dans sa besace. Voilà, philosophe et poète. Alors bonjour à vous tous. C'est vrai que j'ai été invité à présenter ce qui se nomme un café philo, dont j'ai une longue pratique, même lorsque j'étais encore dans l'enseignement, j'en tenais parallèlement dans la ville où j'habite, à Massy. Mais quelques petites introductions sur ce qu'est un café philo. Un café philo, c'est un questionnement. Et c'est un échange de questionnements avec l'assistance. Or, l'intitulé, dont je reconnais que j'ai moi-même fait la proposition, Le poison identitaire, en fait, n'annonce pas dans l'immédiat ce qui semble être un café philo, ressemble plutôt à une proclamation. Et je vais donc un peu rectifier la chose, de façon à rester dans la logique de ce qu'est vraiment un café de philosophie. Donc, certes, l'identitaire peut être un poison, mais le questionnement commence d'une autre manière. Je propose plutôt comme questionnement, est-ce que la passion de l'identité ne peut pas finir par devenir un poison? Et là, alors, nous sommes dans une démarche questionnante. C'est simplement la petite nuance que je voulais apporter avant de démarrer cette exposition. Je vais la démarrer de manière philosophique apparemment un peu ardue, à travers un texte de Hegel, qui a été le fondateur de la dialectique et pèse d'un poids immense dans notre époque encore, puisqu'à partir de l'œuvre de Hegel est née également, par des renversements, l'œuvre de Marx. Le passage que j'ai choisi de vous présenter, de vous soumettre, est tiré de La science de la logique, un ouvrage difficile d'accès, mais dont on peut tirer, me semble-t-il, par rapport à la question qui nous préoccupe, l'identité, des remarques suffisamment pénétrantes, qui même vont nous apparaître comme des remarques de bon sens, même si leur mode de présentation reste inhabituel. Je vous lis ces quelques lignes. Ce principe, dont la forme positive A égale A, n'est tout d'abord que l'expression de la tautologie vide, c'est-à-dire on répète la même chose. On a remarqué justement que cette logique était sans contenu et ne menait pas plus loin. Telle est l'identité vide à laquelle restent solidement attachés ceux qui la regardent comme vérité en tant que telle et ne cessent de répéter que l'identité n'est pas la différence. Écoutons bien ceci. L'identité n'est pas la différence. Mais alors, qu'est-ce que l'identité ? En fait, il apparaît clairement, si l'on réfléchit un peu, qu'à peine on a prononcé le mot identité, qu'on est déjà dans l'ailleurs de l'identité, on est déjà dans un rapport d'altérité avec ce qui n'est pas elle. C'est-à-dire que le concept d'identité, si on cherche à le creuser, à le définir, contient en lui-même son propre dépassement, sa propre problématique, sa propre remise en question. Et c'est sur cette ligne-là que je comptais amener peu à peu la rencontre avec vous cet après-midi. À tout moment, bien sûr, n'importe qui peut intervenir pour me demander des précisions, ou comme j'ai vu que ça se fait depuis le début de cette magnifique expérience qu'est Nuit Debout. Alors je vais peut-être maintenant vous étonner un peu en vous soumettant à un quiz inattendu. Un peu comme on fait dans certaines émissions, par exemple les émissions musicales avec Jean Zigel. Je vais vous lire quelques lignes d'un texte et je vous demanderai, selon vous, à qui on peut les attribuer. L'immigration qui contribue et contribuera toujours davantage au peuplement du vieux monde pousse les nations européennes et l'Europe elle-même à la question de leur identité. Les individus cosmopolites que nous étions spontanément font, sous le choc de l'altérité, la découverte de leur être. Découverte précieuse, découverte périlleuse, il nous faut combattre la tentation ethnocentrique de persécuter les différences et de nous ériger en modèle idéal, sans pour autant succomber à la tentation pénitentielle de nous déprendre de nous-mêmes pour expier nos fautes. Voilà, ces quelques lignes, à votre avis, sous quelles plumes peuvent-elles venir d'apparaître ? Pardon ? Non, pas du tout. Il s'agit bien d'un Alain, mais c'est pas lui. Non, c'est. Alors, vous êtes bien assis, vous êtes bien installé. Il n'y a pas trop de vent. C'est Alain Finkielkraut. Et j'ai tiré ce passage d'un livre à la fois de qualité et insupportable, qui s'appelle « L'identité malheureuse ». Or, ces quelques lignes que je viens de vous lire, nous pouvons les partager, parce qu'effectivement, elles posent un constat de justesse. Et en même temps, elles nous invitent aussi à prendre en compte de quelle manière l'apport de l'autre vient bousculer aussi ce que nous pensons être dans sa relation avec lui et du même coup dans la relation avec nous-mêmes. Le désastre que représente Alain Finkielkraut s'intitule par son premier ouvrage qui s'appelait La défaite de la pensée. Bon, j'ai vu sur la télévision de quelle manière il avait été reçu, comme si sa présence était par elle-même une sorte de provocation. Je dois dire que j'étais souffrant à l'époque, c'est pourquoi je ne suis pas venu à Nuit Debout tout à fait dans les premiers temps. Mais j'aurais aimé être là pour demander à tout le monde de faire silence et d'accueillir avec humour ce monsieur en disant « Vous voici que nous accueillons parmi nous la défaite de la pensée en personne. » Comme si ce titre anticipait sur son propre parcours à devenir. Voilà. Mais au-delà. Voilà, c'était un peu une sorte de un trait d'humour par lequel je voulais commencer, qui pouvait avoir l'air d'une provocation, mais je me disais que nous sommes entre gens intelligents et que nous pouvons tout écouter, tout entendre. À partir de là, il faut, me semble-t-il, prendre tout à fait au sérieux cette question identitaire. La prendre au sérieux parce que on la constate présente dans l'actualité. On la voit réapparaître de la manière la plus pathétique et la plus effrayante également dans les crispations politiques actuelles. On voit les surenchères auxquelles se livre par exemple une droite totalement irresponsable, mais qui exploite quelque chose de réel, qui exploite le fait que le paysage culturel, le paysage national a changé depuis que depuis que la France s'est enrichie d'une population d'étrangers et devenus citoyens français, mais qui sont porteurs aussi de leur singularité et de leur particularité. C'est pourquoi d'ailleurs la question de la laïcité qui est débattue aujourd'hui devient plus compliquée à définir. Bon, d'abord, commençons par éliminer le fait qu'elle est utilisée de façon hypocrite et unilatérale pour ne viser qu'une seule expression religieuse, celle de l'islam. C'est clair. Ne prenons pas au sérieux les prétendus laïcs qui se disent laïcs aujourd'hui et qui ne se préoccupent absolument pas de s'interroger sur la façon dont la religion dont ils se réclament a pu être l'ennemi parfois mortel, voire sanglant, de la laïcité depuis sa fondation légale. Laissons ça de côté. Mais en même temps, ne laissons pas de côté la souffrance. Et si on en revient à Alain Finkielkraut, tout le monde a pu voir à quel point il est déchiré par des meurtrissures, bon, qu'il tend d'ailleurs à cultiver lui-même. C'est véritablement quelqu'un qui est en souffrance. Et quand quelqu'un est en souffrance d'une identité, je crois qu'il faut savoir écouter, comprendre et en même temps aider aussi à redresser les choses, à redresser le tir. Bon, il y a toutes sortes de constatations qui traînent dans les médias à propos de cette question-là, et j'aimerais en parcourir quelques aspects. Je suis en train de me perdre un petit peu dans mes papiers, voilà. Je remercie le vent de s'être un petit peu calmé. Qu'est-ce qui est exploité par ceux que j'appelle les identitaires? On peut prendre comme exemple, dans la suite justement de ce livre sur l'identité malheureuse, des remarques qui ont été développées par un certain Camus, Renaud Camus, bon, qui est un inspirateur du Front National, et qui part de quoi? Qui part du fait qu'il y a des gens qui sont perdus parce que tout d'un coup ils n'ont plus leur boucher traditionnel, ils ont une boucherie halal. Qui sont perdus parce qu'ils voient apparaître des manifestations religieuses, des manières de s'habiller, des manières de se comporter qui sont complètement étrangères à leur tradition. Et ils se sentent perdus dans tout cela, comme si tout d'un coup on venait leur voler un héritage, comme si on venait leur voler une appartenance, à la limite, comme si on venait piller le sol de leurs propres assises. C'est comme cela que fonctionne la politique identitaire venimeuse qui se développe de nos jours. Mais il y a là, nous rencontrons là quelque chose de fondamental et d'historique, qui va m'amener d'ailleurs un peu plus tard à évoquer la question antillaise de ce point de vue-là. La question antillaise, nous allons l'évoquer tout à l'heure avec un concept un peu inattendu, celui dont vous avez certainement entendu parler un peu, excusez-moi, je suis fatigué, le concept de la négritude. Mais avant d'aller là, parcourons un peu le discours des identitaires. Ce discours n'est pas nouveau, ce discours est ancien. Quelques exemples. Maurice Barrès, le fondateur de l'Action française, et qui reste d'ailleurs un courant peu développé, mais qui reste un courant présent dans l'extrême droite contemporaine. Maurice Barrès écrivant, comment faire si nous n'avons pas de la France une définition et une idée commune? Mais lorsque Barrès soulève cette question, qui est une vraie question, comment ne pas avoir envie de lui répondre, mais simplement en partageant les valeurs de l'universalité républicaine? Or, ce n'est pas ainsi qu'il l'entend. Il pense que par nature, l'étranger dont il parle, en l'occurrence il vise les Juifs, que l'étranger dont il parle est absolument incapable d'entrer dans ce pacte social qui a défini, qui fonde notre histoire depuis la Révolution française. Ou encore, sous d'autres plumes, du même Barrès, de façon plus explicite encore, tout étranger installé sur notre territoire, alors même qu'il croit nous chérir, est naturellement la France éternelle, notre tradition. Donc même si l'étranger dont on parle a l'air aimable, être de bonne convenance, de bonnes relations, se fondre un petit peu dans la masse commune, en réalité, il contient en lui quelque chose d'irréductiblement étranger et hostile à ce que nous croyons être. Déguisé en républicain, je continue sous la même plume, déguisé en républicain, les enjeux juifs et allemands traquent nos religieux si elle ne défend pas son identité nationale. La France va connaître le sort de la Russie car elle est infestée par les juifs. Rappelez-vous effectivement le grand slogan du judéo-bolchevisme qui a été l'une des expressions historiques les plus ravageuses de la passion identitaire. Dans le Figaro magazine du 26 octobre 1985, l'immigration massive que nous subissons porte atteinte à notre identité et par voie de conséquence à l'existence de la France. Ce sont des propos qui sont repris, qui sont cités de Jean-Marie Le Pen dans son programme 300 mesures pour la France qui date de 2001. Ou encore, ces colonies de peuplement sont une menace pour notre identité nationale. Elle modifie en profondeur la substance du peuple français, la formation de communautés fermées, constituées sur des bases ethniques, s'oppose évidemment à toute l'histoire de la société française. Et le Figaro magazine se demandait, serons-nous encore français dans 30 ans? À quoi on serait tenté de répondre, êtes-vous vraiment français quand vous posez cette question? Car être français, c'est précisément assumer historiquement, culturellement, fondamentalement, la diversité des apports culturels qui ont formé notre nation et qui continuent à féconder tous ces possibles. Ces gens-là se réclament d'une identité de souche. Ils se définissent comme des Français de souche. Moi, je sais bien ce que c'est que la souche d'un arbre, mais je ne sais pas ce que c'est que la souche d'un Français. Cette manière végétale de définir l'identité me paraît burlesque. Français de souche, bien sûr que c'est une absurdité. L'identité dont nous pensons pouvoir nous définir est une identité mouvante, une identité qui est en devenir. Nous ne naissons pas avec une identité, nous en construisons peu à peu une par notre existence personnelle et aussi en fonction de toutes les influences du milieu qui nous entoure et qui nous façonne. Il faut quand même se rappeler, si nous remontons à 2005, lorsque la majorité de notre peuple a dit non au projet constitutionnel de cette Europe-là, il faut quand même se rappeler que l'idée avait été effleurée par d'aucuns d'insérer dans le projet constitutionnel, dans le préambule du projet constitutionnel, les prétendues racines chrétiennes de la France. Il faut se rappeler cela. Et il faut apercevoir également le symbole marial des étoiles sur fond bleu du drapeau de l'Europe. Nous sommes porteurs de la lourdeur de ces héritages et il n'est pas si aisé de s'en défaire. Mais il faut remarquer qu'il reste présent au sein même de ce qui se présentait, au contraire, comme l'ouverture à toutes les différences, comme l'ouverture à des relations pacifiées entre les peuples de notre continent. On voit ce que ça donne aujourd'hui, mais je pense qu'on peut revenir là-dessus, parce que ce n'est pas, me semble-t-il, sans raison. Revenir là-dessus, c'est quoi ? Revenir là-dessus, on peut le faire comment ? Si vous le permettez, je vais le faire sous la forme d'un poème intitulé « Toute honte bue » et qui précisément soulève cette question de l'identité au sein de l'Europe. En exergue, le titre de ce poème, c'est « Toute honte bue ». En exergue, de très beaux vers de Victor Hugo, qui d'ailleurs ont été mis en musique par un rappeur qui s'appelle Le Larron, vous pouvez le trouver sur la toile, qui a pris ces deux alexandrins en refrain de sa mise en musique. Vous les avez laissés en proie au labyrinthe, ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte. Et ce poème, ce passage de l'année terrible de Victor Hugo, s'adresse à ceux qui croient pouvoir humilier les faibles et s'adresse aux faibles qui croient devoir redouter les forts. L'Europe se déjuge. Le point de départ de ce poème, c'est ce que j'avais lu dans le Figaro, que l'Europe était en train de se déliter. L'Europe se déjuge. Non, elle s'avoue. Tel qu'à ce chaos la destinée l'avoue, le paradigme de son intronisation, la concurrence libre et non faussée, option qui contenait sous de fallacieux auspices qu'à l'envie célébraient les grands médias complices et que dissimulaient des traités spécieux censés nous protéger du retour odieux des chauvinismes, des frontières assassines, des clairons meurtriers, des guerres intestines, en clamant du marché les dons providentiels, un poison se montrant bientôt des plus mortels. L'intensification d'une lutte féroce entre les appétits des maîtres du négoce pour se mieux partager dans leur course au profit et tout pacte social à cet effet détruit, les flux du capital charriant la chair humaine des peuples asservis. En fait, de paix, la haine de l'étranger et de l'autre, inévitablement, allait grandir du fait de l'abandon dément des solidarités de classe détrônées par tous les partisans des plus vils hyménées avec les prédateurs du marché triomphant. Voici que dans ce piège, hélas, s'imaginant y trouver un asile et une échappatoire, quand le même démon y façonne l'histoire, chassé de leur pays par des acharnements guerriers auxquels en fait nos propres armements, nos propres intérêts, alors que l'on pavoise, apportent leur concours d'une façon sournoise, voici que condamnés à l'exil, perdant tout quand ce n'est pas la vie, et croyant voir le bout de leur déréliction, des réfugiés en masse se retrouvent captifs, effarés, dans la nasse d'un monde blanc hostile, hérissé de carcans, où seuls des justes, que l'on traque au demeurant pour crime de soutien à leur désespérance, d'un peu d'humanité leur offre une assistance, alors qu'ils font l'objet d'un glauque enfermement. Que l'enfer de Calais illustre honteusement, quand ce n'est pas en plus d'un marchandage obscène entre États monnayants à qui prendra la peine de stocker leur trop-plein ou de les rembarquer. Voici donc l'Europe en train de suffoquer à couche hideusement d'un discours xénophobe que plus rien au grand jour désormais ne dérobe, tandis qu'outre-Atlantique, un immonde bouffon lui fait écho de loin comme par dérision. J'évoque Trump. Pardon ? Excusez-moi, je n'entends pas. Merci. Pardon. Est-ce que je peux vous interrompre ? Vous êtes quelqu'un de très cultivé, mais j'ai l'impression que vous parlez que d'identité politique. C'est-à-dire, moi j'ai 66 ans, ça fait 20, non même pas 10 ans que j'entends à chaque fois avant une élection tous les politiques qui parlent d'identité, notre identité ci, notre là, tous ces des tas de conneries. Et tous les gens que je connais, qu'ils soient français ou pas français, ils se sont jamais demandé qu'est-ce que c'est l'identité française. C'est pas leur problème. Et pour vous donner une idée, je regrette peut-être de vous faire descendre un peu le débat au ras des pâquerettes. Pour moi, l'identité française, c'est Coluche. Parce que quand Coluche parlait, faisait un sketch ou un spectacle, tout le monde rigolait, aussi bien les Arabes, les SDF, les étrangers, les Français. Tout le monde comprenait et se comprenait. Et encore maintenant, on en parle, on en discute, on le cite, etc. Après, ce que font les politiciens, ça ne nous regarde absolument pas. Eh bien, je vous remercie. Loin d'arabaisser le débat, vous le rehaussez. Et quand il s'agit de Coluche, c'est l'immensité d'un amour décisif. Et il faudrait écouter ces sketchs de Coluche. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus d'actualité. Mais non, je n'enferme pas du tout la question d'identité dans le politique. Simplement, le point de départ de notre rencontre, c'est précisément le fait que c'est politiquement qu'elle est exhibée comme un péril mortel pour notre pays. Mais bien évidemment, quand je suggérais tout à l'heure les souffrances qu'exprime quelqu'un comme Alain Finkraut, je pensais également que la question d'identité, fondamentalement, nous concerne chacun d'entre nous, dans notre définition propre. La question d'identité n'est pas une question politique au premier plan, elle est d'abord une question existentielle. Et cette question existentielle s'exprime tant au plan collectif qu'au plan individuel. Là, nous sommes partis du plan collectif. Nous sommes partis du plan collectif parce que c'est dans ce sujet-là que nous sommes actuellement plongés par la folie des identitaires et par leur tentative de plus en plus périlleuse, pour le vivre ensemble qui nous définit et dont nous avons à reconquérir ou simplement à conquérir la possibilité et la justesse. J'entends bien ce que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors précisément, regardons de plus près, de manière peut-être plus intime, la question existentielle de l'identité. Il y a une phrase de Jean-Paul Sartre dans L'être et le néant qui souligne ceci. Entre moi et moi-même, il y a toujours autrui comme médiation. Pesons bien cela. Entre moi et moi-même, il y a toujours autrui comme médiation. Effectivement, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a toujours autrui comme médiation ? Ça veut dire que ce que l'on dit de moi, mais est apporté par l'autre, de même que ce que je dis de l'autre est apporté par moi. Ça veut dire que le moi que j'ai construit, que je tente de construire depuis mon enfance, a intériorisé toutes sortes de messages, toutes sortes de désirs, tout un imaginaire qui me vient de la rencontre avec l'autre. Il me vient d'abord de la rencontre avec mon propre milieu familial, qui vient de la rencontre avec ce milieu familial lui-même pénétré d'un environnement culturel. Et là, il faudrait se tourner alors du côté de la psychanalyse pour étudier les différents étiages de cette construction du moi qui n'en finit pas. Quand on dit « Ah, ça c'est bien moi », tout d'un coup, voici que le jeu s'interroge sous la forme de l'accusatif en parlant du moi. Le jeu tout d'un coup se découvre comme l'objet de sa propre projection ou de sa propre déclaration. Mais bien malin parmi nous, et en ce moment même, quelqu'un qui serait capable de dire ce que c'est que véritablement son moi. Et là, nous sommes précisément en présence alors de ce que la question de l'identité soulève, pour le meilleur et pour le pire. J'ai évoqué Jean-Paul Sartre à l'instant. Jean-Paul Sartre a été l'un des grands inspirateurs de quelqu'un dont je tiens maintenant à parler très fortement, l'œuvre de l'Antillais de Martiniquais, Frantz Fanon. Frantz Fanon, lecteur approfondi, attentif de Jean-Paul Sartre, nous devons à ce Martiniquais, ce psychiatre martiniquais, une œuvre est tout à fait exemplaire, décisive, dont on ne parle pas suffisamment, mais qui dont la vie d'ailleurs sera malheureusement assez brève, mais dont le parcours, vous allez voir, est impressionnant. Son œuvre la plus fameuse s'intitule Peau noire et masque blanc. Mais dans ce titre, masque est au pluriel. Peau noire et masque blanc. Cet ouvrage a été inspiré par le Martiniquais Frantz Fanon, par sa situation finalement de colonisé à l'intérieur même de la communauté française. Un petit détour personnel, si vous l'autorisez. En 1961, je passe la grève de philo. Je l'avais modérément préparé parce que j'étais pleinement engagé contre la guerre d'Algérie. Et j'apprends, à l'oral ça se passait pas trop, à l'écrit ça s'est passé assez bien. À l'oral j'ai un peu dégringolé, il suffit d'un quart de point. Je me suis retrouvé 30e ex aequo. Et j'apprends que je suis affecté au lycée français d'Oran en Algérie. En 61, c'était en plein développement de l'AES en même temps. J'ai refusé ce poste. Et on m'a rappelé que je n'avais pas le droit de le faire, car j'avais signé un engagement quinquennal avec l'État. Mais je l'ai refusé parce que c'était incompatible avec mes propres engagements. Par chance, celui qui était chargé de ces affectations au sein du jury était un de mes anciens professeurs de l'Institut supérieur, qui m'a donné 48 heures de réflexion, et au terme desquelles, quand je l'ai retrouvé dans son bureau, j'ai maintenu mon refus continué de refuser cette affectation, et il m'a dit avec un léger sourire, accepteriez-vous un poste aux Antilles? Et c'est comme ça que je me suis retrouvé pour mes trois premières années d'enseignement au lycée Carnot de Pointe-à-Pitre. Et donc, ce petit détour me ramène à une partie importante de mon existence, me ramène aussi à une expérience que j'ai rapidement vécue en arrivant là-bas. Je sortais d'un combat contre le colonialisme en Algérie et j'ai rapidement aperçu que sous la façade de ce qu'on appelle les départements d'outre-mer, on a en fait affaire à une situation colonisée, évidemment présentée de manière moins brutale, mais qui fondamentalement existe, qui fondamentalement travaille l'être antillais dans la définition qu'il peut avoir de lui-même. Et c'est là que l'œuvre de Frantz Fanon intervient d'une façon tout à fait décisive. Il était psychiatre de formation. Et psychiatre de formation, voilà qu'il se met à s'intéresser, compte tenu du regard précisément que les autres Français peuvent porter sur lui, y compris dans son milieu professionnel, se met à interroger le côté pathologique de l'aliénation coloniale, de l'aliénation du colonisé. Frantz Fanon explore du côté de l'être colonisé la dissociation de soi-même, une sorte de séparation de soi que représente l'influence, le poids du colonisateur. Le colonisé est habité de l'intérieur de lui-même par l'image que le colonisateur en a. et finit par l'intégrer. Et c'est sur ce matériel psychiatrique, si j'ose dire, que Frantz Fanon va travailler de façon assidue. Or, à l'occasion de sa carrière, il est nommé aussi à Blida, en Algérie, au moment où la guerre fait rage. Et là, il va découvrir de façon encore plus brutale qu'à travers sa condition antillaise, ce que c'est que l'aliénation due au colonialisme. Et il va devenir un combattant de la résistance algérienne. Il va mourir en combattant, il va mourir sous le nom d'un combattant de la résistance algérienne. Oui, vous voulez reprendre la parole, volontiers. Alors juste, il y a quelqu'un qui a demandé du coup entre temps, désolé. Oui, par rapport à Frantz Fanon, j'ai l'impression que pour lui, en fait, l'identité, c'est plus un pharmacone, à la fois un poison, quand justement il y a aliénation, et à la fois un remède, quand il y a émancipation de l'aliénation et retour, entre guillemets, à son identité propre. Et tout à l'heure, vous parliez de Sartre, et vous faisiez référence à L'être, le néant. Et dans cet ouvrage, en fait, pour Sartre, l'être est précisément un néant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on appelle l'existentialisme. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aurait pas d'identité propre. On serait en fait des néants qui pourraient actualiser une infinie possibilité d'identité. Et puis, à l'inverse, il y a l'école, je dirais, des essentialistes, qu'on trouve notamment chez Socrate, quand il dit « connais-toi toi-même », chez Pindare ou chez Nietzsche, avec la phrase « deviens qui tu es ». Et donc, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que, par exemple, vous êtes plutôt du côté de Sartre ou plutôt du côté de Platon? Juste, est-ce que tu veux répondre directement ou je... Bon, du côté de Sartre, évidemment. D'ailleurs, élucidons un peu ce titre, L'être et le néant. On pourrait penser qu'il s'agit classiquement d'un traité d'ontologie, puisqu'on appelle ontologie, classiquement, dans l'histoire de la philosophie, l'étude de l'être. Or, que signifie ce titre « être et néant » qui d'ailleurs est sous-titré par une référence à la phénoménologie. Sartre essaie de définir l'être humain comme précisément quelqu'un qui n'existe pas sur le mode de l'être. Il a cette phrase apparemment compliquée, étonnante, en disant « l'homme est un être qui existe sur le mode de n'être pas ce qu'il est et d'être ce qu'il n'est pas ». C'est-à-dire que Sartre, dans cet ouvrage majeur, dont une approche, disons, plus vulgarisée se trouve dans « L'existentialisme est un humaniste », qui au départ était une conférence, Sartre met en question le fait qu'on puisse définir l'être humain par une essence, que l'on puisse être. Il dit que l'homme n'est pas, par exemple, l'objet dont je parle sur la table, il est. Je peux parler de ce rouleau de scotch, je peux parler de cette bouteille, elle est là. C'est vrai qu'elle appartient à ce qui est. Mais est-ce que moi j'appartiens à ce qui est? Non, j'appartiens à ce qui existe, j'appartiens à un milieu dont je suis moi-même celui qui le désigne, celui qui le fait être. L'homme n'est pas à la manière dont une chose est. L'homme n'est pas à la manière dont cette bouteille est. Non. L'homme est simplement l'ensemble de ses projets d'existence. L'homme est en quête de définir ce qu'il peut être à travers ses projets d'existence, c'est-à-dire précisément à travers le néant, à travers la néantisation, à travers l'expérience du refus, à travers l'expérience de la remise en question, à travers l'expérience du déplacement. Donc, il se trouve que le néant m'habite, le néant m'habite en tant que pouvoir de négativité, c'est-à-dire en tant que pouvoir de refus, en tant que pouvoir de remise en question, en tant que pouvoir de questionnement. J'ai à être ce que je tente d'être, mais je ne le suis pas par naissance, je ne le suis pas par définition, je ne suis pas par essence. Il n'y a pas d'essence humaine. Il n'y a pas de nature humaine au sens essentialiste du terme. Là, nous sommes tout à fait à l'extrême opposé de la métaphysique traditionnelle. Il n'y a pas d'essence humaine, il n'y a pas de nature humaine, sauf si on imagine derrière l'idée de nature humaine une sorte de puissance supérieure, forcément Dieu quelque part, qui a fait que les choses sont ce qu'elles sont et telles qu'elles doivent être. Pas d'essence humaine. Nous nous définissons, nous existons avant que d'être. L'existence précède l'essence, explicitera Jean-Paul Sartre dans l'existentialisme est un humanisme. L'existence précède l'essence. J'existe, je suis jeté au monde. Bon, cette idée d'être jeté au monde, c'est une idée qui vient un petit peu aussi du philosophe allemand Heidegger, dont on sait que la carrière est plus que trouble. Le Geworfenheit de Heidegger, le fait que, en essence, je suis jeté dans le monde. Je suis jeté dans le monde et j'ai à me débrouiller avec cette situation de fait. Sartre développe en disant, j'ai à apprendre à être ce que l'on a fait de moi à la naissance. Apprendre à être ce que l'on a fait de moi. Mais j'ai à faire de moi-même ce qu'on a fait de moi. Et ce qu'on a fait de moi, justement, c'est ce que je suis obligé, tenu, de prendre en compte pour essayer de me définir. Et cette définition n'en finit pas. Elle ne définira qu'à ma mort. Ah oui, à la mort, je serai. À la mort, je serai exactement comme un bloc de pierre. Je serai, ma mort va m'enfermer dans le cercueil de mes définitions. Et c'est ce qui est mis en valeur de façon extraordinaire dans la pièce Huis clos de Jean-Paul Sartre, que certains d'entre vous peut-être ont eu l'occasion de voir, où il y a trois personnages enfermés, une femme et deux hommes. Et enfermés, alors ils sont morts, ils sont censés être donc en enfer. Ils sont censés être dans l'autre monde. Cet autre monde représenté par une chambre d'hôtel où il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de glace, il n'y a rien. Un vide assez surprenant. Et à un moment donné, Estelle, qui est la coquette de ce trio, s'inquiète parce que il y a deux femmes et un homme, parce que une comparse qui est là aussi lui dit, ah, mais vous avez un bouton sur la joue. Affolée, elle cherche dans son sac à main, mais elle découvre qu'on lui a confisqué à l'entrée son miroir. Elle regarde autour d'elle et elle aperçoit au-dessus de la cheminée l'emplacement resté vide d'une glace qui n'y est plus. Et alors, Inès, de manière cynique, joue avec elle et lui dit, tu as une tâche, tu n'en as pas. Et elle est incapable de le vérifier par elle-même, puisqu'elle est incapable de se voir. Imaginez cela. Imaginez que nous n'ayons pas la possibilité de nous voir dans un reflet, dans une flaque d'eau. Imaginez aussi ce qui se passe le matin quand nous voyons, quelquefois, nous trouvons que nous avons une drôle de gueule. Et parce que, en fait, que se passe-t-il quand nous regardons dans un miroir? Qui regarde qui? Où est le regard qui regarde? En fait, il y a un échange d'une complexité extraordinaire qui fait d'ailleurs que le thème du miroir a habité beaucoup d'œuvres picturales, d'œuvres politiques, d'œuvres cinématographiques et également. Donc, je suis pieds et poings liés, livré à l'autre qui me regarde et qui me définit. En ce moment, par exemple, vous me donnez un visage, je ne sais pas lequel. Je vous donne un visage, vous ne savez pas lequel. Et je ne le saurai jamais. Et d'ailleurs, je ne me vois pas. Et je ne peux pas me voir, sauf par miroir. Ou bien, j'entends dire ceci ou cela, et je me dis, oui, est-ce que ça résonne en moi? Est-ce que ça me définit? Est-ce que ça me rencontre d'une certaine manière? Nous sommes tous dans ce rapport d'altérité fondamentale qui définit notre être au monde. C'est tout cela qui est puissamment développé dans l'œuvre magistrale de Jean-Paul Sartre, et une œuvre qui, philosophiquement, est parfois difficile, ardue à lire, mais qui a le mérite d'exister sous forme de roman et également sous forme de théâtre. Mais j'en reviens donc à Frantz Fanon, parce que Frantz Fanon a une démarche sartrienne dans le cours de son existence. Que se passe-t-il dans l'être du colonisé? Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est abrité par un imaginaire qui n'est pas le sien. Il a intériorisé l'image du maître. en tant qu'esclave, il a intériorisé l'image du maître. Mais tenez, faisons un petit détour par la question féminine au passage. Est-ce que finalement la question féminine ne met pas aussi en évidence que bien des femmes, pendant longtemps, ont intériorisé l'image que l'homme a d'elles? À tel point que le féminisme s'est heurté à beaucoup de difficultés d'incompréhension. Et d'ailleurs, on remarque aujourd'hui, je fais ce détour qui a l'air d'être étranger à notre questionnement, mais qui le rejoint d'une manière ou d'une autre, j'observe qu'en ce moment, la question du féminisme a du mal à reprendre souffle. Mais une femme peut fort bien avoir intériorisé la prétendue infériorité, dépendance, soumission et autres qualités négatives que lui prête l'homme et dont il profite. Même chose donc pour le colonisé. Nous sommes donc, le colonisé est habité par une vue qui obscurcit sa propre réalité à ses propres yeux. Tout en cela consiste fondamentalement le très beau travail de Frantz Fanon et le fait qu'il finit par entrer dans la radicalité du combat algérien pour l'indépendance. Puisque j'évoquais la question des femmes à propos de la guerre d'Algérie, à ce propos-là, nous apprend aussi des choses lourdes de conséquences. Les femmes algériennes ont souvent été en tête du combat. Et Frantz Fanon, dans un très bel écrit qui s'appelle « L'enceinte de la révolution algérienne », remarquait que les femmes algériennes étaient en train de conquérir une émancipation qui est fécondée par leur participation à la lutte. On sait que la suite sera bien différente. On sait que le statut de la femme algérienne va retourner dans les ornières du religieux après l'indépendance. Toutes ces choses-là se recoupent, vous voyez, à la fois l'intime, le politique, le culturel, l'existentiel. Ouais, et je vous redonne la parole. Je regrette de ramener toujours le débat au ras des pâquerettes, hein. Mais comme quelque part je suis français, donc je suis un emmerdeur. C'est pour moi c'est la seule caractéristique qui permet de reconnaître un français. C'est un râleur et un emmerdeur. Pour le reste, ça n'existe pas. Et déjà, moi, comme diplôme scolaire, j'ai un CAP de magasinier. Et je suis agriculteur, enfin retraité. Alors forcément, je vais au ras des pâquerettes. Et ce que je voulais dire, c'est que je suis aussi, d'une certaine manière, lorrain. C'est-à-dire que je suis né en Lorraine. Et que les premières régions colonisées en France, c'était les régions en dehors de Paris. Et ce qui existe toujours actuellement. Et l'identité parisienne, c'est que l'identité parisienne, et partout ailleurs, ça n'existe pas. C'est-à-dire chacun se démerde comme il peut dans la journée, avec les gens qu'il rencontre, avec les gens avec qui il travaille, il vit, il habite, etc. Il se pose jamais la question de qui est qui, et qui pourquoi, et qui comment, etc. Et pour moi, c'est pareil. Si quelqu'un a un problème d'identité avec moi, ben, c'est son problème, c'est pas le mien. Donc, j'ai pas de... Enfin, à part Coluche, dans lequel je me reconnais, parce que je fréquente aussi beaucoup d'étrangers, d'Africains d'Afrique de l'Ouest ou des Afghans, des Indiens, des Canadiens, etc. Et c'est pas un problème de qui est qui et qui fait quoi. Au bout de 5 minutes, on se comprend. Pour moi, c'est la seule chose qui compte. Vous venez d'utiliser le mot étranger. Qu'est-ce qu'un étranger? J'ai fait un café philo il y a longtemps sur cette question-là. Qu'est-ce qu'un étranger? Et je voulais en venir à la conclusion qu'il n'y a que des étrangers sur Terre. Tenez Coluche, puisque vous l'évoquez. Il y a un magnifique sketch de Coluche. Il part à l'étranger et puis il n'arrive pas à comprendre ce qu'on lui dit. Alors il se dit, bon, je vais en tirer des conséquences pour mon prochain voyage. Donc il revient en France et puis il apprend l'étranger. et puis repart hors de la France. Et qu'est-ce qu'il découvre? Nom de Dieu, il découvre qu'il ne parle pas le même étranger. Et donc, fondamentalement, c'est quoi? Fondamentalement, nous sommes forcément étrangers, parce que nous sommes forcément l'autre de l'autre. Chacun d'entre nous est l'autre de l'autre. Il n'y a que des étrangers sur Terre. La seule définition de l'être humain, c'est qu'il est un étranger. Ça, il faut le comprendre. Parce que pour qu'il y ait un étranger au sens, en quelque sorte, ontologique du terme, il faudrait que l'on puisse définir un ensemble parfaitement homogène dont l'étranger serait la différence. Or, cette homogénéité n'est qu'un fantasme, ou un fantasme en demeurant meurtrier et génocidaire. C'est la recherche de la purification, c'est la recherche de la purification ethnique, pas seulement à l'époque du nazisme. Pensez à l'abomination du Rwanda, qui a montré à quel point que le Tutsi était tué en tant que Tutsi, ce qui est la définition de l'acte génocidaire. Donc, il n'y a pas d'étranger en soi. Nous sommes tous des étrangers, nous avons tous l'alter ego, nous sommes tous des alter ego. On peut jouer un petit peu sur les mots, pourquoi pas. Je faisais cela volontiers avec mes élèves. Je changeais un peu le terme, je disais, oui, mon alter ego, je prenais le verbe altérer. C'est vrai que l'ego, l'autre m'altère, dans la mesure où il prétend se substituer à moi par la définition qu'il donne de moi, mais en même temps il me désaltère. Il me désaltère, c'est-à-dire qu'il m'empêche de m'enfermer en moi-même, et en même temps, il me rafraîchit, il rafraîchit ma façon d'être. Vous voyez, le langage permet de ces trouvailles que la poésie redécouvre pour elle, par elle-même. La poésie, les gentillés qui ont lancé le thème de la négritude, précisément, ce sont dans les années 30, d'abord, nourri en tant qu'étudiant à Paris, Aimé Césaire et Léopold Senghor, l'Africain Léopold Senghor était élève à Louis le Grand. Dans les années 30, ils se sont nourris, eux et d'autres étudiants antillais ou écrivains ou intellectuels, de l'école du surréalisme. Car l'école du surréalisme fait surgir précisément le nom dit de ce que l'on est en profondeur et qui revient à la surface. Le non-dit, le subconscient est dans un rapport étroit du point de vue de l'écriture poétique avec l'approche analytique. Et c'est à la recherche de leur antillanité, Aimé Césaire, Léopold Senghor, bon, Frantz Fanon ont donc travaillé en profondeur là-dessus. Et ont travaillé, et en même temps, ont trouvé leur continuateur aujourd'hui, et c'est par là que je veux éventuellement amener à une sorte de conclusion provisoire. Excusez un petit peu mes tâtonnements, voilà, je suis un peu troublé. Je veux dire que je suis obligé de fonctionner selon un registre qui ne m'est pas totalement familier. Je vais vous amener au seuil d'une œuvre majeure, celle de Édouard Glissant. Édouard Glissant, qui est un immense poète martiniquais, qui est en même temps qui a une immensité philosophique. Mais avant cela, puisque vous évoquez l'école, vous avez bénéficié de l'école qui a été, on le chante sur tous les toits, créée par Jules Ferry, l'école républicaine. Or, Jules Ferry, en même temps, a été le partisan de la colonisation. Étonné, il y a dans Contemporain de cette période un propos extraordinaire de Ernest Renan, que je le retrouve, mes lunettes se sont un peu embuées. Où l'ai-je caché? C'est un texte de 1871, une déclaration de 1871, voilà, je la retrouve. Faut que j'essuie un peu mes lunettes. Voici ce que Renan a pu dire en 71. La conquête d'un pays de race inférieure par une race supérieure, qui s'y établit pour le gouverner, n'a rien de choquant. La nature a fait une race d'ouvriers, c'est la race chinoise. Une race de travailleurs de la terre, c'est le nègre. Une race de maîtres et de soldats, c'est la race européenne. 1871. Le grand Victor Hugo, que j'admire, comme vous avez pu vous en rendre compte, presque à l'excès, en même temps a pu dire des énormités sur la question noire. En même temps qu'il combattait l'esclavage, en même temps il soutenait l'idée d'une colonisation pacifiante et civilisatrice. Et cette prétention de l'homme blanc, cette prétention qui est la nôtre, cette prétention de l'Européen, cette prétention du Français en particulier, est toujours là. Vous remarquez qu'aujourd'hui, nous prétendons donner des leçons de démocratie à la terre entière. Et nous prétendons mesurer la prétendue aide que nous leur apportons à leur degré d'évolution dans ce que nous nommons la démocratie. Alors que si nous sommes ici dans Nuit debout depuis longtemps, c'est bien parce que la démocratie est encore à inventer. Peut-être d'ailleurs, est-ce une ambition trop forte et trop grande pour que nous soyons encore mûrs historiquement pour en être capables ? Je serais assez tenté de dire, de ce point de vue-là, en sautant apparemment du coq à l'âne, que nous sommes encore dans une préhistoire avant que nous puissions entrer dans l'histoire d'une construction humaine. Là encore, question de l'identité. L'identité humaine, il y en a une, elle est universelle, mais elle reste à bâtir. Comment voulez-vous que je puisse me définir ? Comment voulez-vous que je puisse définir ma propre humanité ? Comment chacun d'entre vous ici peut-il définir sa propre humanité dans un contexte où la différence des classes et les antagonismes font qu'il y a des opprimés et des oppresseurs, et que l'humanité dont je me réclame s'accompagne inévitablement de sa dénégation ou de sa privation dans l'autre. Je mange à ma faim, mais au même moment, quelqu'un en meurt de faim. Je suis dans le confort, au même moment, l'autre est sans abri. Il est impossible que nous construisions entièrement notre part d'humanité aussi longtemps qu'il y a division en classe et des contradictions de classe dans la société humaine. Et là, non seulement c'est Sartre qu'il faut lire et relire, mais plus que jamais aujourd'hui également l'œuvre de Marx. Sartre d'ailleurs, dans cette même inspiration, a cette phrase très forte que je vous invite à retenir. L'homme n'existe pas encore. Effectivement, l'homme n'existe pas encore en tant qu'universel. Le genre humain existe, certes, mais l'homme n'existe pas encore. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas pour les raisons que je viens de dire. Il n'existe pas pour autant que être humain à part entière suppose que toi, tu le sois également en même temps que moi, que nous le soyons tous en même temps. On en est très loin. On en est très loin. Il y a plutôt une régression extraordinaire qui se produit en ce moment. Bon, alors voilà, si vous permettez, à travers ce parcours qui peut me paraître un peu chaotique, mais l'identité qui est la nôtre, c'est une identité nomade. Les gens qui se croient de souche oublient simplement qu'ils sont les voyageurs de leur propre existence. Nous sommes, de notre naissance à notre mort, les voyageurs de notre existence. Nous avons des identités successives, multiples. Nous avons des changements d'éclairage. Nous avons une mémoire, d'ailleurs, qui nous remet en scène de façon inattendue au moment où nous sommes loin de nous en douter. Pensez à l'œuvre de Marcel Proust, à la recherche du temps perdu. Oui, nous sommes nomades. Nous avons une identité nomade. Nous sommes une définition en mouvement. Une définition en mouvement, donc, qui ne s'arrêtera qu'à la mort, comme je disais tout à l'heure. Là, effectivement, je vais être enfermé une fois pour toutes dans ce que les autres diront de moi. Ah, ils diront beaucoup de nouvelles choses, mais je ne serai pas là pour les contester. Je ne serai plus là pour les contester. C'est également la conclusion de la pièce de huis clos avec cette réplique fameuse « L'enfer, c'est les autres ». Alors, ça n'a rien à voir avec l'enfer au sens des fantasmagories religieuses. L'enfer, c'est les autres, ça veut dire exactement, voilà, je suis prisonnier, pieds et poings liés par l'autre, dès lors que je n'ai aucune possibilité de lui rendre la réciproque de sa propre approche. L'enfer, c'est les autres. Alors, regardons pour finir, si vous voulez bien, du côté d'un très beau texte que je voulais photocopier pour vous le distribuer d'ailleurs, et je n'en ai pas le loisir parce que j'étais en panne d'encre. Je vais donc vous en donner lecture, patiemment, et peut-être en vous invitant lentement, par-ci par-là, à en noter quelques brefs passages. Mais avant cela, avant cela tout de même, du point de vue, sans place de la République. La République a été fondée par la Révolution française dans le sens de l'universel. Dans le sens où beaucoup d'étrangers voulaient devenir français pour devenir universel. Rappelez-vous cela. Il y a eu des moments fabuleux où il était question de la Confédération générale des hommes, où des étrangers requéraient de devenir français précisément pour devenir universel. À ce moment-là, Paris était la capitale de l'homme. Paris était la capitale de l'homme. L'universalité des valeurs républicaines, bon, attendez, on sait bien quelles sont ses limites. Je vais y revenir très brièvement. Mais cette universalité se prenait tellement au sérieux qu'effectivement, elle semblait illuminer le genre humain dans son ensemble. Sachez que la Marseillaise a fait le tour du monde. Elle a été chantée dans toutes les langues. Et même sur sa propre musique, avec d'autres paroles. Par exemple, les Albanais du Kosovo, en lutte contre l'Empire ottoman dans les dernières années, dans les années 1920, chantaient une Marseillaise avec des paroles albanaises. Ils chantaient « Allons, enfants de l'Albanie », mais exactement sur l'air de la Marseillaise. Donc ça a été un moment extraordinaire, ce moment de la République. Ce moment qu'il nous faut savoir retrouver aujourd'hui et refonder pleinement. Tout en apercevant bien que l'universel de cette époque-là était un universel défini par l'homme bourgeois, par le régime de la propriété privée. Cette remarque géniale a été faite par Karl Marx dans son ouvrage qui s'appelle « Réflexion sur la question juive ». Dès lors qu'on considère que la propriété privée est un droit fondamental, il est clair qu'on installe une fracture au cœur de l'universalité que l'on prétend construire. Mais en même temps, il est vrai que ça a été le grand enthousiasme de cette période et sa beauté, sa sublimité, que de devenir français en étant universel. C'est-à-dire qu'en fait, la notion d'étranger avait disparu. Ce qui est l'étranger, c'était la monarchie. L'étranger, c'était la monarchie et la réalité humaine, c'était la République. Nous sommes là, en République. J'espère que nous allons travailler tous ensemble à la rebâtir, peut-être même à l'inventer, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pardon ? D'accord. Alors, je n'ai pas entendu, mais je suis là. D'accord. Tout à l'heure, vous avez vu comment on utilise la botanique pour définir les Français de souche. Eh bien, par l'intermédiaire de la botanique, Édouard Glissant va lui s'y prendre tout à fait autrement. Il nous dit dans ce passage que j'ai tiré d'un livre que je vous invite à lire, paru chez Grasset en 96, « Introduction à une poétique du divers ». À une poétique du divers. Il y a un autre livre d'Edouard Glissant qui s'appelle aussi « Pour une géopoétique ». Voici ce passage, où il met en valeur un concept dont il est l'auteur, le concept de créolisation. La philosophie, c'est une manière aussi de créer des concepts, expliquait Gilles Deleuze. Et voici donc un concept philosophique créé par, en même temps, un poète. Le concept de créolisation, et voici comment il le développe. La créolisation exige que des éléments hétérogènes mis en relation s'intervalorisent c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de dégradation ou de diminution de l'être, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur, dans ce contact et dans ce mélange. Pourquoi la créolisation et pas le, à synonyme apparent, le métissage. Il répond, on peut calculer les effets d'un métissage des plantes par bouture ou d'animaux par croisement, mais la créolisation, c'est le métissage avec une valeur ajoutée qui est l'imprévisibilité. Le mot créolisation vient bien entendu du terme créole et de la réalité des langues créoles. Et qu'est-ce qu'une langue créole? C'est une langue composite, née de la mise en contact d'éléments linguistiques absolument hétérogènes les uns par rapport aux autres. Les créoles proviennent du heurt, de la consommation réciproque d'éléments linguistiques absolument hétérogènes au départ, avec une résultante imprévisible. C'est pour ces raisons que je pense que le terme de créolisation s'applique à la situation actuelle du monde, c'est-à-dire à la situation où une totalité terre, enfin réalisée, permet qu'à l'intérieur de cette totalité, où il n'est plus aucune autorité organique et où tout est archipel, les éléments culturels les plus éloignés et les plus hétérogènes possibles puissent être mis en relation. Dans le panorama actuel du monde, une grande question est celle-ci. Écoutez-la bien et peut-être prenez le temps de la noter si je la lis lentement. Une grande question est celle-ci. Comment être soi sans se refermer à l'autre et comment s'ouvrir à l'autre sans se perdre soi-même? Je répète, si certains d'entre vous veulent noter, comment être soi sans se refermer à l'autre et comment s'ouvrir à l'autre sans se perdre soi-même? Oui? Allez-y. N'hésitez pas, hein, si vous voulez intervenir, voilà. Oui, je ne voudrais pas monopoliser l'obstruction, ou l'opposition, pardon. Bien qu'étant jardinier, agriculteur, je vais sortir mon identité savante, et je vous conseillerais de lire un livre de Paul Ricoeur, qui s'appelle « Je est un autre ». Et un autre livre d'Edgar Morin, qui s'appelle « Les sept savoirs pour l'an 2000 ou 3000, je ne me rappelle plus ». Et ce sont des personnes qui sont vivantes. Et quand je vous entends parler de tous ces morts, j'ai même l'impression que quand je suis arrivé ici, j'entendais parler de Nuit debout, la première fois, de capitalisme, de marxisme, etc. Moi, j'ai eu l'impression de retourner au Moyen-Âge. On n'en est plus là, c'est fini tout ça, c'est le passé, c'est mort, c'est... Maintenant, ce qui compte, c'est l'humanité, qu'elle soit universelle ou pas. Quand on voit justement comment on traite les réfugiés, par exemple, de manière de plus en plus inhumaine, avant on était humain, on croyait qu'on était humain, maintenant on peut se poser la question. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi à Nuit debout par exemple, il n'y a pas plus de solidarité ou d'aide entre tous ceux qui viennent et ce qu'on appelle les migrants, les réfugiés, etc. Et dans le débat politicien d'aujourd'hui, on retrouve beaucoup de conflits sur l'école, parce que c'est l'école la première colonisatrice. Hein. C'est la première chose qu'ont fait les Parisiens à la Révolution, c'est de supprimer les dialectes et les langues locales, et de mettre le français partout, et donc d'obliger de penser en français, ce qui crée une fausse identité, parce qu'on est tous différents en France, à part à Paris, où on croit qu'on est pareil. On fait semblant d'être pareil parce qu'on est habillé pareil, tout le monde est à la dernière mode. Mais c'est une absence d'identité. On fait semblant, on croit qu'on est quelqu'un, mais ça ne dure pas. Il n'y a pas de base sur ça, ça repose sur rien. Tandis que quelqu'un qui vit en province et qui connaît les savoirs de la province, le langage de la province, Parce qu'on ne parle pas de la même manière, même si c'est en français, en Catalogne, en Alsace, en Lorraine ou en Bretagne. C'est complètement différent. On dit des choses différentes. On ne peut pas dire les mêmes choses qu'en français, à Paris. Merci d'avoir évoqué Paul Ricoeur. J'ai été son élève. Soi-même comme un autre, c'est un grand livre de Paul Ricoeur. Et puis Le jeu est un autre, c'était aussi une trouvaille poétique de Rimbaud. Mais on pourrait passer la nuit entière, effectivement, à continuer à explorer tout cela. Je finis avec Édouard Glissant en vous présentant rapidement un concept qui d'ailleurs lui a été inspiré par Gilles Deleuze et Félix Guattari dans le livre « Mille plateaux », le concept d'identité rhizome. Édouard Glissant, dans ce passage, oppose l'identité racine, celle qui enferme, et l'identité rhizome, celle qui latéralise, puisque le rhizome, c'est justement un foisonnement de racines, une racine qui va à la rencontre d'une autre racine. Et donc, c'est ce que Glissant appelle une poétique de la relation. Donc, l'identité rhizome contre l'identité racine. Bon, un mot quand même, vous évoquez le Moyen-Âge, je ne comprends pas très bien. Moi, il me semble que rien n'est plus moderne que de revenir à une pensée comme celle de Marx ou comme celle de Sartre, précisément. Alors que toutes les vieilleries métaphysiques les plus éculées reviennent au contraire à la mode, avec l'idée de nature humaine, avec l'idée de la détermination de l'être humain dès la naissance, avec la mobilisation de la génétique au profit du racialisme, etc. Bon, alors, vive le Moyen-Âge et merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. On va prendre une ou deux questions avant de terminer. Voilà. Oui, pour revenir en fait à Sartre et à l'être et le néant, si l'être est un néant, est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un risque de nihilisme ? Et est-ce que vous pensez en fait que l'être a malgré tout besoin d'une identité ? Et dans ce cas-là, comment doit-il la choisir ? Comment doit-il sélectionner un modèle parmi l'infinité des modèles existentiels possibles ? Oui, je réponds rapidement. D'ailleurs, il y a une évolution de la pensée de Sartre depuis l'être et le néant jusqu'au dernier ouvrage resté inachevé, la critique de la raison dialectique. Parce qu'entre-temps, Sartre s'est mis à prendre en compte l'épaisseur sociale et l'épaisseur psychologique. C'est-à-dire à prendre en compte le fait que nous sommes aussi déterminés par l'être social. Mais il n'a pas renoncé pour autant à son projet de transcendance horizontale, à sa définition de la liberté comme transcendance horizontale, comme capacité de toujours repousser à plus loin et de définir autrement, mais en même temps, il a lesté cette liberté dont il parle du poids des déterminismes sociaux et des influences psychologiques. Moi, j'ai pas eu l'occasion de lire Paul Ricoeur. Je le connais parce que j'ai lu des articles sur lui. Mais il y a un philosophe aussi qui me semble important, c'est Suran. Suran, c'était un philosophe pessimiste, mais c'est un philosophe très important. Bon, je vais pas vous en faire la lecture parce qu'on arrive à la fin, mais notamment Aveu et Anathème. Et il a écrit pas mal de choses. Oui, c'était un philosophe pessimiste, un Roumain comme l'écrivain génial qui a écrit le rhinocéros, Ionesco. Je prends une autre question en même temps, ou vu que c'était assez bref, du coup, j'en profite. Bah, d'abord, je voudrais... Vous m'entendez ? Oui. D'abord, je voudrais vous remercier, monsieur, qui avait pris la parole pendant quelques heures, peut-être, quelques minutes. Et j'aimerais répondre à monsieur qui est assis, là, monsieur Lorrain, J'aimerais profiter justement du fait qu'on soit place de la République en République pour justement engager le... Enfin, s'il veut bien m'écouter, en fait. Enfin, s'il est à l'écoute. Voilà. Je disais que je profitais du fait que... Vous m'entendez ou vous voulez que je me déplace? Ça va? Ok. Je disais que je voulais profiter du fait que nous soyons en République, place de la République, et avec cette chance de pouvoir parler, qui malheureusement, de mon point de vue, est pas suffisamment utilisée, parce que je pense que le langage est justement la forme la plus élevée des hommes, des humains, et que on se censure. Alors quand vous disiez tout à l'heure qu'il fallait définir une forme de d'identité française, ce que moi j'appelle la françaïté, avec quelques copains, copines, parce que moi j'ai des copains et des copines avec qui justement on discute de ça, du fait de peut-être créer ce qu'on pourrait appeler la françaïté, même si ce serait un néologisme, on s'en fout un peu, on en discute. Et j'ai, enfin, moi j'aime beaucoup les gens, quoi. J'aime beaucoup les gens et les gens qui viennent de toutes parts. Et contrairement à vous, ça m'intéresse en fait que les gens soient différents, qu'ils soient étrangers et qu'on ait des choses à partager. Alors je comprends pas la contradiction, enfin que j'ai cru percevoir dans votre discours quand vous dites. On est en France et on n'a rien à partager, on n'a pas de valeurs communes, et en même temps votre refus d'aller vers l'autre. Oui, c'est vrai que je suis pas clair, mais bon, je suis pas un orateur non plus. Simplement, je voulais dire que dans le langage, déjà, il y a toujours des préjugés. Et quand on parle quelqu'un en pensant qu'il est français, donc on va lui parler d'une certaine manière. Tandis que si on s'en fout qu'il est français, on dit ce qu'on a envie de dire et puis c'est tout. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. On peut très bien dialoguer, on peut se rencontrer, on peut au contraire avoir des relations même profondes, mais pas sur la base de préjugés. C'est ça qui est important. Et surtout encore plus en ce moment où il y a tous les politiciens qui pensent qu'à leur réélection de l'année prochaine, qui sont complètement focalisés là-dessus, qui disent n'importe quoi, n'importe comment, pour eux qu'ils gagnent des voix. Mais après les élections, ils n'en parleront plus. Ils vont passer à autre chose. De toute façon, ils ne feront jamais ce qu'ils sont en train de dire. Donc c'est des mensonges complets. C'est-à-dire tout ce qui est sous le vocable d'identité, en ce moment, pour moi, c'est piégé, c'est n'importe quoi. Mais on est tous des êtres humains, et entre êtres humains, on peut se parler, se comprendre, et comment dire, sans mettre en avant de dire de quelle nationalité, d'où tu viens, de quelle religion, de quelle... Parce que on met plein de trucs devant, et puis après, on croit qu'on se comprend, mais on ne se comprend plus. On parle la même langue, mais on ne se comprend pas. Tandis que si on ne sait pas qui est qui, ben on se comprend tout de suite. C'est mon expérience. Je prends juste une dernière question qui en plus apparemment rentre dans tout ça, et du coup je te laisserai mettre un dernier avis pour conclure. Moi je reviens à l'aspect politique présent de maintenant. C'est-à-dire que pourquoi on parle d'identité en ce moment, c'est qu'il y a une guerre d'identité française actuellement. C'est-à-dire que ce que Yves a fait valoir, c'est que l'identité politique de la France, c'est la République, c'est la Révolution, etc. Mais ce qui est à l'œuvre actuellement, et on le voit dans les médias et on le voit avec beaucoup d'hommes politiques, c'est l'idée que de la communauté. Et on a sans arrêt l'emploi du mot communauté, comme si en France il y avait des communautés. Et donc ça crée une confusion chez le français moyen, enfin chez tous les français, quoi, de se dire, mais alors moi je croyais que j'étais français, ça suffisait. Quand moi j'étais jeune, ça suffisait d'être française, on se posait pas la question, il y avait le 14 juillet, tout ça, bon, très bien. Et avec les horreurs du colonialisme et tout ça, mais on assumait ensemble. Alors que là, on nous instille sans arrêt des idées de communauté, de communautarisme. On parle de communauté musulmane alors qu'il n'y en a pas. On est en train d'en créer une. C'est vraiment horrible. Parce que moi qui ai beaucoup étudié la société américaine, on parle de melting pot aux États-Unis. C'est pas vrai. C'est pot, mais pas melting du tout. Les gens se mélangent pas. Il y a des quartiers où les gens ne vont pas. Enfin, c'est pas mélangé du tout. Et donc, il y a des communautés, justement, autour des églises. Et si on veut nous créer une identité de ce type, on va se retrouver à ne plus être républicain et laïque. Je signale qu'en Europe, au-delà de l'Union européenne, hein, nous sommes les seuls à avoir une école où on ne demande pas sa religion aux enfants. En Allemagne, on va soit à l'église, soit à l'école catholique, soit à l'école protestante. Et quand on est musulman, eh ben on va à celle qui est le plus près de chez soi. Et on n'a pas de cours, on va en études pendant les cours d'éducation religieuse. Donc c'est ça qui est à l'œuvre en ce moment. Et donc moi, sur l'identité, je pense que y a un enjeu important en ce moment. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, essayez de conclure un peu tout ça. Si la question du communautarisme est la réplique à l'absence du commun, nous avons à inventer le commun. Mais pourquoi avons-nous perdu les moyens, semble-t-il, de l'inventer ou de le vivre? Parce que je crois que nous vivons à l'ombre d'un cataclysme historique dont on n'a pas encore suffisamment mesuré l'ampleur. Ce que j'appelle le cataclysme historique, c'est l'effondrement de la vision internationaliste. C'est l'effondrement de ce qu'a tenté de réaliser le bloc soviétique, mais d'une manière qui a finalement tourné exactement à son contraire. Il faut que nous retrouvions le sens de la lutte des classes et de sa dimension universelle, sa portée universelle. Si nous ne disposons pas de ce repère, de ce moyen d'analyse, de pensée et d'action, alors il est inévitable que les gens qui se sentent en difficulté ou qui se sentent en faiblesse cherchent à se rassurer en se rassemblant, en essayant de reconstituer une unité qu'ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent plus partager avec personne d'autre. Je crois que nous sommes en déficit d'une vision progressiste, et je dirais marxiste de la société. Voilà. Et quant à Sioran, pour intéressant qu'il soit à lire et stimulant, il a aussi un passé roumain quelque peu douteux. Je tiens à disposition de chacun d'entre vous, si vous le désirez, le poème que je vous ai interprété tout à l'heure sur l'Europe. Je vous le ferai volontiers. Merci. Merci. Oh, je me suis cassé l'oreille. Merci Yves, et toutes mes excuses tout à l'heure pour ce petit malentendu. Voilà, et puis finalement, tu vois, il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, on était quasiment aussi nombreux. Merci beaucoup à vous. Alors, nouvelle information, parce qu'à Nuit Debout va très vite, donc nos abonnés de Brésiliens Debout sont partis, mais pour ceux qui veulent continuer la soirée, il va y avoir un débat au milieu de la place sur le populisme avec l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est ça ? La gauche face au populisme et l'extrême droite. C'est ça. Voilà, donc vous pouvez suivre Alex. Et alors, une autre annonce ? Vas-y. En ce moment, les migrants sont chassés, là, de Jaurès. Ben, c'était pour répondre au monsieur. C'est vrai qu'on voit des gens à Nuit Debout et on les voit jamais auprès des réfugiés. Donc, oui, peut-être certains, mais... Bon, et moi, pour moi, c'est un problème marxiste, ça. Alors Nuit Debout est présent auprès des réfugiés. Alors certes là on est au mois de juillet août et on n'est pas souvent très nombreux. Et puis bah on a Seb qui nous le rappelle quasiment tous les jours, la cause des sans-abri. Merci beaucoup à tous d'être venus. On vous donne rendez-vous samedi et dimanche prochain. Les nouveaux thèmes seront sur le Facebook et la page internet. Une autre... Juste, si jamais, du coup, vous avez des interventions à nous proposer, ou vous voulez intervenir sur un sujet ou... Pas sur le Larsen. Sur un sujet, voilà, ou autre. Bah, venez nous voir pour quand vous voulez. Ça, voilà. On sera très contents. Merci beaucoup. Ouais, pour tous ceux qui ont participé au débat, on se permet de vous inviter au débat qui suit et qu'on va tenir juste à côté sur la question de la lutte contre l'extrême droite et le populisme d'un point de vue historique et puis aujourd'hui, y compris avec des intervenants de Syrie. Donc voilà, si vous êtes intéressés, on fait ce débat maintenant à côté.